Le symposium consacré au 44e anniversaire de la publication de la Déclaration commune du 4 juillet a eu lieu le 4 à Tokyo, en présence des membres du comité d'exécution du symposium et des compatriotes coréens. Les orateurs ont dit que le maître de la solution du problème de la réunification de la patrie est la nation coréenne et non les forces extérieures. Ils ont affirmé ensuite qu'il faut ouvrir la voie de la réunification indépendante et pacifique du pays par la réalisation de la souveraineté et de la grande union nationale, de la paix et du système fédéral.